Monaca, Macer, Soya, la douceur d'un élan, Marie, je les soleils mouillés de ces ciels mouillés pour mon esprit oh, les charmes si mystérieux de tes prêtres yeux brillent à ta lèvre la là, tous les ordres et beautés, luxe, calme et volupté. Joie sur ses talons dormir, ses laisseaux, dans l'humeur et la gabonde. C'est pour un sourire, ton moindre désir, qui vient. Les soleils touchent les châles, les talons, la ligne entière. Le monde s'adore dans une chaude lumière. Là, tous les ordres et beautés, luxe,